بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية في اليمن. على plaisir de vous présenter. فنبدأ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى بهذه الرسالة النافعة ستة مواضع من السيرة للإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد, ما هو الموضع الخامس؟ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الهجرة في اللغة؟ الترك. في اللغة الترك. هاجر الشيء تركه. Ça suffit pas. L'intiqal de bilad al-shirk ila bilad al-islam. Ahsant lillah azza wa jalla. Li anna kathir min an-nas yantaqilun. Il n'est pas compté comme muhajir. Le muhajir, c'est celui qui a une niya, niyat al-hijra lillah. Innama al-a'malu bin-niyat. Se déplacer d'un bilad de kufr vers un bilad, vers un pays musulman pour Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا شيخ الإسلام ذكر هذا الموضع في هذه الرسالة؟ أي له رابور avec التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم هجر من مكة إلى المدينة لأن بسبب التوحيد. بسبب التوحيد. لأن أحسن, لأن لا يستطيع أن يعمل بدينه بالتوحيد. كذلك ذكر هذا الفصل أنه من حفظ, من أسباب حفظ دين المسلم هذا الفعل. أحسنت, أن من أسباب حفظ دين المسلم الهجرة. كذلك أن شرك درس له هجرة ولو سيل ثابت ولو سيل مؤمن المشركون يبغوا يفعلوا جمال. كما سيت القصة, بعض الناس ils ont pas fait l'hijra à Mecca avec le prophète عيسى والسلام, فالمشركون ils les ont forcé à se déplacer avec eux يوم بدر. من عنده شيء آخر؟ عبد الملك, تاك كيك شوز دو تفضل. لا تخالط مع عدم إخلاط مع المشركون. نعم, مخالطة مع المشرك ألف جمال. Elle fait du mal, khassatan, si la personne il est daïf. Et on a expliqué en détail kathiran hada. Wa taqaddam ma'ana fi al-usul thalat, fi al-kalima qu'on avait fait sur l'hijra, les nasaïhs qu'on avait donné. Su'ilat al-lajna al-da'ima, un rajulun min Britannia su'ala, un frère d'Angleterre il a demandé, annahu il peut pas, il y a pas l'aden. Tu ne dois pas montrer un signe religieux en public. La rue, ça doit être neutre. Tu ne dois pas faire apparaître l'islam. Ils ont un projet de loi qui m'a akhbarana ba'd al-ikhwan annahum hatta as-salat en groupe dans la rue là, il y a, ils commencent à parler. Ils vont tout faire pour l'interdire. Liannahu ça fait partie du dîn l'islam. Eux, ils détestent l'islam. Ils ont un projet hada. Le regroupement, ils appellent ça un regroupement religieux dans la rue, ça c'est même nous, ça ne doit pas se faire. On doit comment ils combattent l'islam. Al-hijab, al-adam, al-eid, al-salat. Eux, le but, comme on dit, c'est que cet islam qui déteste eux, il reste limité à toi. Hatta toi, il pourrait te l'enlever, t'enlèverais. Les hommes, ils détestent les musulmans. Lakin, vu qu'ils ne peuvent pas, eux, ils essayent de couper la personne de son din. Et ils veulent surtout pas que ce din il apparaît dans les rues. Ils savent que c'est le haq. Ils savent que quand ils veulent les gens, ils cherchent ce haq. Hatta la viande halal il la haram. Alors que billah alayk, elle est où la différence entre la viande halal et la viande qui n'est pas halal pour eux? Nous, pour nous, il y a une grosse différence. Nous, c'est interdit qu'on mange une viande qui est sacrifiée pour autre qu'Allah. Nous, c'est interdit. Il y a une grosse différence pour nous. La viande halal, pas halal, il y a une grosse différence. Pour eux, là, les athées هناك, les kuffar, les malahida, pour lui, il n'y a aucune différence. Il mange du veau halal ou du veau pas halal, pour lui, c'est la même chose, c'est de la viande, c'est de la viande. Mais à هذا, il la combat jitten. Hatta, dans des villes de France, ils avaient commencé à ouvrir des restaurants connus halal. Wallahi, certains maires, des maires de ville, ils ont interdit que le restaurant Hada, il s'implante dans sa ville. Pourquoi? Parce que c'est halal. C'est quoi qu'il pousse à Hada? Wallah, c'est le bord de l'islam. Il n'y a aucune différence pour lui, halal, pas halal. C'est de la viande, c'est de la viande. Est-ce que halal, ça va faire du mal à quelqu'un? Abadan. Lakin, qu'est-ce qu'ils ont dit là? Il faut être libre. Il faut que tu laisses le choix aux gens. Sallallahu alayhi. Bientôt, ils vont obliger les musulmans qui ont des restaurants de vendre de l'alcool. Bientôt, tu verras. Là, il faut qu'il soit libre. Il faut qu'il rentre dans le restaurant, il a le choix. Il fait ce qu'il veut. Il est libre lui aussi. Il n'a pas envie de vendre de l'alcool. Le restaurant, il veut vendre que du halal. Il est libre. Il fait ce qu'il veut. Celui qui ne veut pas de halal, il va dans un autre restaurant. Tout ça, il combat l'islam. Enfin, il y a beaucoup d'exemples. Nous, c'est ce qu'on sait. Ce qu'on cite nous, souvent, le sitar, les exemples de l'Eid, la viande, l'Adam. Ça, c'est ce que tu sais, ce qui te montre. Amma yharab l'islam. Certaines choses, tu t'en rends même pas compte, ayyuhal muslim. Allah, la télé, les journaux, à l'école, dans la rue, beaucoup de choses, il harab l'islam. Et anta, tu vis dans cette ambiance, tu te fais du mal à ton dîn. Tu trouves la personne, son iman, il descend. À la fin, des choses toutes simples. Dans un pays musulman. Simple, le jour du Eid, il va, il égorge, il n'y a aucun problème. Tu trouves en France, il ne peut plus. Enfin, la personne, il fait attention, il préserve son dîn. Enfin, tout ce qu'on lit, nous, l'an et ensuite, ce n'est pas une histoire. Faqat. Abadan, nous, la sira, comme ils nous ont appris nos savants, la sira, on la lit et on la comprend et on l'applique. Et vous avez vu depuis le début du livre que tout ce qui s'est passé à l'époque du prophète, un tal un, tu vois, c'est la même chose. C'est le même combat. Islam contre kufr, tawhid contre shirk. Même combat. Nasara al-Yahoud contre le muslim, al-Malahida contre le muslim. La même chose, tu dois faire la hijra. La même chose, tu dois les détester fillah. Wa hakada. Fadassa Allah subhanahu wa ta'ala. An yuwaffiq al-jami'. On s'est arrêté où? Ahsan. Jazakallahu khair. Qala Cheikh al-Fawzan hafidahullah. Hada fi sha'ni ha'ula. Aïe, on continue. Anna sabab nuzul al-aya. Qawlu Allah azza wa jal. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا الآية on avait vu أن le سبب la cause que Allah سبحانه وتعالى il a révélé ce verset أن بعض الناس ils ont pas fait الهجرة فالشيخ الفوزان يقول هذا في شأن هؤلاء وهذه قصة عجيبة وعظيمة أن هؤلاء مع إسلامهم وصدقهم في الإسلام لما تركوا الهجرة من غير عذر حصل عليهم هذا الوعيد وهذا التوبيخ من الملائكة لما جاءت تقبض أرواحهم أن هؤلاء leur islam ils étaient sincères, ils étaient véridiques, لكن ils ont délaissé l'hijra, ils sont restés à côté de ce kuffar, ils ont été touchés par ce mal. Fitna. Ma balouk, celui qui vit avec le kuffar, il est faible dans son dîn, il commence à basculer, à pencher vers eux, il commence à leur ressembler. هذا لا شك il va se faire du mal. قال فدلنا على أنه لا يجوز للموحد المسلم أن يتساهل عليكم السلام بهذا الأمر وأن يكون مع المشركين ولو من غير محبة لهم. يجوز التساهل. Une personne il prend la chose à la légère. أنا je vais là-bas que pour ça. أنا de toute façon je sais. لا تتساهل. La personne il n'a pas le droit de prendre à la légère. Là moi. Fais les sabbats pour préserver ton dîn. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé, il t'a ordonné de te déplacer, de ne pas vivre avec Ha'oula. Khasatan, tu ne peux pas faire ton dîn. Et on est tous d'accord, tu ne peux pas faire ton dîn. Shaitan, il en profite. Shaitan, il en profite, il va te faire croire là, anta tekada, anta tu peux, anta. Ya akhi, préserve ton dîn. Qal min ghayri mahabbati lahum, lakin mahabbata li malihi, ou waladih, ou baytih, ou ghayri dhalik. Ça, c'est les causes. Ça, c'est les causes. Tu peux trouver une personne, il déteste le kuffar. Lakin, il ne peut pas se déplacer. Il y en a sa maison, ou il a un commerce, ou sa famille, elle est là-bas. Hada, c'est pas une excuse. Al-Hijra, c'est wajib. C'est wajib, c'est pour que tu appliques ton dîn. Qala, il cite le verset. Qala Azza wa Jal, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره. La yajouz, la personne, il fait passer les choses de cette dunya, comme Allah subhanahu wa ta'ala il a cité, al-aba, ou les enfants, ou la tribu, ou l'argent, ou les maisons, ou il fait passer ça avant la religion. La yajouz, là. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Ça, c'est un wa'id. C'est une menace min Allah subhanahu wa ta'ala. En tant que tu as été créé, tu as un but. Tu fais ce que tu veux, tu penses ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. Abadan. Tu as des choses précises à faire. Parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné, c'est que tu ne vis pas avec Al-Kuffar. Tu ne vis pas avec les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas le droit. Là, il juge. Et c'est pour ton bien. C'est pour préserver ton dîn. C'est pour pas qu'il te fasse de mal. Il est akhiré. Qala. هذا وعيد شديد والله لا يهدي القوم الفاسقين فلا يجوز تقديم محبة الأموال والأولاد على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الهجرة والجهاد في سبيل الله عز وجل والكثير من الناس يقرؤون هذه أي هذه الآية ولا يتدبرونها صحيح كم من الناس سورة التوبة قل إن كان آباؤكم إلى آخره فأنت تلي que tu n'as pas le droit de faire passer cette dunya avant ton din, tu dois agir hakada. Tant que tu peux. Si tu as un baf, tu fais du'a. Et tu t'améliores jour après jour. Amma, on lit ce Coran. Et notre vie, c'est l'opposé. Coran, c'est pas on le lit pour le baraka. Comme ils font Sophie et Abdullah. Coran, c'est pas on le lit pour l'ajr. Après, on ferme et on a une autre vie. Là. Su'ilat Aisha, radiyallahu ta'ala anha, an khuluq al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qalat kana khuluquhu al-Quran. Ils ont demandé à Aïcha sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il vivait? C'est quoi son mode de vie? C'est quoi son comportement? Alayhi salatu wassalam. Sa vie, c'est le Coran. C'est un mode de vie. Wa'dan nas, il l'accroche dans sa voiture, un gros cadre chez lui, et sa vie, c'est l'inverse du Coran. C'est pas ça. Le Coran, huddatun laka wa alayk. Ce Coran, imma, ça sera une preuve pour toi, yawm qiyamah. Si tu le lis, tu le comprends, tu l'appliques, tu crois, il a akhri. Imma, c'est une hudda contre toi. Là, t'écoutes et tu dois comprendre. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a dit ça? Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit hada. Ben je dois bien l'écarter, il me l'a interdit. Une personne encore, mais ce qu'il n'y sait pas. Il n'a pas, il ne connaît pas le Coran. Peut-être qu'il fera des choses qui vont à l'encontre du Coran. Peut-être que Yom Allah il lui pardonne. Si il n'a pas eu les moyens d'apprendre. Il ne savait pas maintenant. Personne ne lui a montré. Il ne pouvait pas, il voulait, mais il ne sait pas lire l'arabe, il ne comprend pas. Hada. لعل الى عذر عند الله سلا دي مخالفات وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله سبحانه وتعالى يشاتي با ان بيبل اون بيرسون طون كي لو مونتر با طون كي لو افون با ان ميساجي افيك ان ليفر هذا يسي با قال فلا يجوز تقديم محبه الاموال والاولاد على طاعه الله سبحانه وتعالى وعلى الهجره والجهاد في سبيل الله والكثير من الناس يقرؤون هذه ولا يتدبرونها قال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أقفالها فهذا القرآن سلي التدبر شدوا ميديتي سلا بقول الله سبحانه وتعالى فأنت شدوا سفر قال عز وجل يهدي للتي هي أقوم القرآن يتجد يتمنط سانور أخي القرآن سي بور لير القرآن سي بور أبليكي القرآن سي بور تو في افيك. Bardanas se trouve des livres faits de dunya et tellement qu'il les lit, ils sont froissés. Des recettes de cuisine, il lit, il apprend, il essaye de tabak. Tout ça pour une recette, pour un plat. Ça rentre pas dans le haql, t'as un livre de recettes de cuisine et tu laisses chez toi. Ahakada. Ça sert à rien. S'il n'y a pas les recettes qui suivent, il n'y a pas une grosse faïda. Tu trouves Bardanas fait de dunya des livres dans plein de sujets. Tu trouves, il lit, il essaye de savoir pourquoi. Tu trouves le Coran Karim, il est posé la poussière. Au bout d'un moment, il le lit et hakada lil baraka. Il ne sait même pas ce qu'il a lu. Ça ne rentre pas dans l'aql. Une personne, il prend un livre de recettes de cuisine, il lit et il ne sait pas ce qu'il a lu. Ça ne rentre pas. C'est pour ça que tu ne trouveras jamais une personne qui achète un livre de recettes et ne le prend pas en sa langue. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu comprends le français, ils te font un livre de recettes en français. Thomas, tu lis, tu essayes de faire et à la fin, tu manges. C'est ça. Enfin, pourquoi pour Dean, on n'est pas hakada? Pour Dean, là, il lit, il ne sait même pas ce qu'il a lu. Qu'est-ce que tu as lu? Tu viens de lire un hizb. C'est pour ça qu'après, très facilement, tu le trouves, il khalif. As-Sahaba ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, yaqul, ils apprenaient 10 versets. 10. Ils apprennent le ma'na. Pourtant, c'est ibn Mas'ud, min Quraysh, min al-Arab, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils comprennent l'arabe, c'est leur langue. Il lit le Coran, il a compris. C'est comme il parle chez lui. Avec ça, il doit comprendre. Une fois qu'il a compris, il applique. Une fois qu'il a appliqué, il passe à divers versets suivants. Pourquoi ils ont avancé, à ton avis? Amma l'enfant là-bas. L'enfant là-bas, 8 ans, 10 ans, tu veux que ton fils il apprend le Coran, tu ne lui dis pas dix versets, il faut que tu apprennes, tu appliques là. Il est petit, ouais. Il ne peut pas appliquer beaucoup de choses. Il y a des choses qu'il ne comprend pas là. Lui, à cet âge-là, on en profite. Apprends le Coran par cœur. Il arrivera à 15 ans, 16 ans, 17 ans et il apprendra. On apprend et l'application. Daïman. Ilm ou amal. Qala Cheikh al-Islam. Walakin muraduna al-an mas'ala min masailiha. Aïe, Cheikh al-Islam, l'an, il ne va pas s'étaler sur le sujet de l'hijra. Là, nous aussi, dans l'explication, on ne va pas s'étaler. Wallah alhamd, on l'a vu en détail dans l'usul thalat ila akhiré. Al-an, il ne veut qu'une mas'ala. Une mas'ala, il va sortir du sujet de l'hijra une chose que tu dois bien comprendre. Qala wa hiya anna min ashab رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير الشك في الدين وتزيين دين المشركين. نعم la مساله qui veut montrer sur l'islam ان certains compagnons du prophète sallam ils ont pas fait la hijra pas parce qu'ils aimaient les kuffar ou parce qu'ils ont penché vers les kuffar معاذ الله ابدا قال ولكن محبه للاهل والمال والوطن فلما خرجوا الى بدر خرجوا مع المشركين كارهين فقتل بعضهم بالرمي والرامي لا يعرفه. C'est cette mas'ala qui veut te montrer. C'est que malgré le iman qu'ils avaient, le tawhid qu'ils avaient, ils détestaient les kuffars. Lakin ils n'ont pas fait l'hijra. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le verset. Inna alladhina tawaffahum al-mala'ikatu dhalimi anfusihim al-ayat. Ma balouk, une personne, il vit avec les kuffars et il fait des concessions sur son dîn. Il vit avec les kuffars et il aime les kuffars. Il vit avec les kuffars, il commence à pencher vers eux. Il vit avec les kuffars, il commence à avoir des doutes. Ma baluk hada. C'est ça qu'il veut te montrer. Il veut te montrer l'importance de l'hijra. Il veut te montrer que le tawhid, c'est adorer Allah seul. Ça implique de détester ce qu'a dans autre qu'Allah. Et ça implique que tu ne peux pas vivre avec une personne que tu détestes. Khas satan, s'il combat ton dîn. Tasawwar, imagine anta, tu vis dans une maison avec une personne que tu détestes. Ça va être trop dur. Tu vas tout faire pour ne pas rentrer dans l'appartement, tout. Mais tu ne vas pas vivre avec lui, aslan. C'est ça qu'il veut nous montrer avec ce point, rahimahullah. Qala falamma, toujours kalam sur l'islam, qala falamma sami'a as-sahaba anna min al-qatla fulanan wa fulanan shaqqa alayhim wa qalu qatalna ikhwanana. Sahih, ça a été difficile. Sahaba, dès qu'ils ont combattu al-mushrikin fi Badr, ils ont su que des musulmans, ils ont été tués. Al-Muslimoun qui ont été forcés par al-Mushrikin. Enfin, ils ont dit, qatalna, on a tué nos frères. Qatalna, ikhwanana. Qala fa anzal Allah ta'ala, inna alladhina tawaffahumu al-malaikatu dhalimi anfusihim ila qawlihi wa kana Allahu ghafuran rahima. Qala fa man ta'ammala qissatahum wa ta'ammala qawla as-sahaba qatalna ikhwanana alima annahu law balagahum anhum kalam fi al-din ou kalam fi tazyin din al-Mushrikin lam yaqulu qatalna ikhwanana. Celui qui médite l'an, le yatafakkar, les sahaba ils ont dit qatalna ikhwanana. Ça veut dire que les compagnons ils considéraient Haoula comme leurs frères. Et c'était leurs frères. Si ils auraient eu des preuves comme quoi c'est plus des musulmans, ils n'auraient pas dit on a tué nos frères. Ça te montre que c'était des personnes qui étaient à l'islam. Malgré tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le verset. Cheikh l'islam lui veut te montrer. Al-An, imagine celui qui vit avec les kuffars et il penche vers les kuffars. Celui qui vit avec les kuffars et il commence à avoir des choubahs, il commence à détester les musulmans, il commence à aimer les kuffars. Mais Balou qui commence à leur ressembler. Anta, dès que tu lis la biographie du prophète, tu dois réfléchir. Hakada. Anta, tu vis dans Bilal Kuffar, réfléchis, t'es concerné. Eux, ils détestaient le kuffar, ils avaient dit une akhiré. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a menacés à cause de leur iqam, fi Bilal Kuffar. Alors qu'ils pouvaient se déplacer. Et les kuffars, ils les empêchaient de faire leur dîn. Enfin, Anta, si tu peux te déplacer et les kuffars, ils t'empêchent de faire ton dîn, tu dois aller dans un pays musulman. Sinon, si tu meurs, tu es menacé par ce verset. Hakada, tu dois raisonner Anta avec la sirah. Qala, Cheikh al-Fawzan, fa sahaba ma qalu ikhwanana illa li annahum mustaqimuna ala ad-din. Ça montre que les compagnons, ils avaient du respect, ils donnaient de la valeur à ces personnes. Ces personnes, c'était mustaqim. Ils étaient ala al-haq. Qala, ما ذكر عنهم أنهم مالوا مع المشركين أو مدحوا المشركين بل يبغضون دين المشركين وكانوا على التوحيد وكانوا مخلصين لله وليس فيهم نفاق لكن تركوا شيئا واحدا وهو الهجرة من غير عذر فلامهم الله على ذلك. هؤلاء توحيد إيمان إذا تست الكفار إذا من البروفات إذا سوى السنة إلى آخره أم شوز إذن بابي فار الهجرة. Avec tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a menacés de les châtier. قال شيخ الإسلام قال فإن الله تعالى قد بين لهم وهم بمكة يرحمك الله قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان بقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم فإن الملائكة تقول فيما كنتم ولم يقولوا كيف تصديقكم. نعم ملائكة يصابت خبيا أن هؤلاء دي مسلمين دي مؤمنين. Ils leur ont pas posé une question sur l'Iman. C'est des mu'mins. Ils leur ont posé la question, pourquoi vous avez délaissé l'Hijra ? Fima kuntum. Et Nabi Abdelnas, il croit que, khalas, il déteste les kuffars, il sait que c'est des kuffars, c'est bon, il a le droit de... Tant qu'il n'est pas comme eux, fait l'aqida et l'akhiré, sinon il a le droit de rester avec eux. Abadan. Qala fima kuntum, wa lam yakulu, kayfa tasdiqukum. Qalu kunna mustadafina fil ard. Wa lam yakulu kadabtum. نعم، ils ont pas dit là, vous êtes des menteurs, vous êtes pas des mu'min أبدا. قال مثل ما يقول الله والملائكة للمجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت بل قاتلت ليقال جريء وكذلك يقولون للعالم والمتصدق كذبت بل تعلمت ليقال عالم وتصدقت ليقال جواد. الحديث نعم في مسلم. شيخ الإسلام في une comparaison entre celui qui prétend une chose et qui ment. Ma'ruf al-hadith fi sahih muslim anna les premières personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le châtier, wahad il a fait le jihad, wahad il a pris le Coran et wahad il donnait des sadaqas. Les trois ils prétendent que c'est l'Illah. Les trois Allah subhanahu wa ta'ala va le châtier, les annoums c'est des menteurs. Allah subhanahu wa ta'ala il dit au premier, au deuxième, au troisième kadabta. T'as fait ça pour qu'on dise t'es courageux, t'es un mujahid. T'as fait ça pour qu'on dise t'es un alim. T'as fait ça pour qu'on dise t'es généreux. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit kadabta. Tu mens, t'as pas fait ça l'Illah. Amma ha'oula, l'histoire qu'on a à l'Hijra, Allah il a pas dit kadabtum. Vous êtes des menteurs. Abadan. Ils étaient sincères. Ils avaient l'iman, c'était des mouahid. Avec le din qu'ils ont et l'akhiré, Allah il les a menacés de l'adab. Le conseil qu'on peut donner à la personne, il fait les efforts et s'il ne peut pas, tais-toi. Parle pas. Fais du dua, fais des efforts. Asa Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilite. Amma Wallah, beaucoup parlé. Et non, de toute façon, Bilal Muslimin, c'est comme Bilal Kouf. De toute façon, là-bas, si je vais, c'est pareil. De toute façon, hakada ba'da nas. Wallah, tu te fais du mal qu'à toi. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tout ce que tu dis, c'est noté et tu auras des comptes à rendre. Bardoum, il est en France, il met la faute sur les gouverneurs. Gouverneur un pays, il n'a jamais vu. Si tu as compris le cinquième point qu'on a cité, mais idnillah, ça te facilitera. Inch'Allah ta'ala. La maquetra titre qu'il va le qal, que ce soit dans l'Hijra ou autre, il n'y a pas beaucoup de fruits. Wallah, ça va que rendre malade ton cœur. Qala fal malaika. ما سألوهم عن إيمانهم وعقيدتهم لأنهم يعرفون أنهم على عقيدة صحيحة وعلى إيمان صادق. لكن سألوهم عن المكان الذي هم فيه. نعم. Ça c'est important. Regarde les savants comme ils analysent le verset. Si ma kuntum, ils ont analysé ça, ils n'ont pas dit ma hiya aqidatukum ou ma huwa dinukum. Là, si ma kuntum, la question elle est précise. La question elle est sur l'endroit. Qala an al makan alladhi hum fihi haythu la yajuz lahum an yabqu fihi wa hum yaqdiruna ala al hijra min. Ils n'avaient pas le droit. Qala al malaika lam taqul kadhabtum lastum muslimin wa lastum mu'minin bal qalu fi ma kuntum. سألوهم عن المكان الذي هم موجودون فيه موجودون حيث خرجوا مع المشركين ولو كانوا مكرهين. نعم إذا أنت مكره فقسي قد يقول قائل كم هو يبون الشاتي إذا أنت فقسي alors que nous on sait أن الله سبحانه وتعالى il châtie pas la personne s'il est forcé إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كيف هؤلاء إذا أنت فقسي الله سبحانه وتعالى les a menacés avec l'آية. On a répondu hier. Fattah Abou Bakr. Ahsan. Awalan Allah Allah subhanahu wa ta'ala amarahum an yakhruju min bilad al-kufr. Famada? نعم هم تركوا الهجرة فماذا؟ أحسن سمونت خنهم يزون مسؤولية سيئة لغسبونسان لأن الله سبحانه وتعالى اللي غا أغتوني تفق الهجرة يزون دلشي الهجرة Et ce délaissement, ça impliquait qu'ils ont été forcés. Enfin, ils ont une part de responsabilité. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a menacés. Qala, li'annahum humu sabab fi tasallut al-kuffar alayhim. Hada. C'est ça la réponse. C'est eux le sabab. Qala, li'annahum humu sabab fi tasallut al-kuffar alayhim. Wa la yajuz murafaqatuhum wal khuruj ma'ahum hubban lil-mal wa lil-ahl. Wa mudaratan likay yubqu ala amwalihim. Na'am. Ça c'est une faïda azim alak. Si tu peux sortir et tu ne sors pas, comme on l'a expliqué hier, comment il t'arrive des problèmes dans ton deen, enfin, tu as une part de responsabilité. On a donné l'exemple du hijab. Wahid dit, c'est pas grave, elle enlève le hijab, de toute façon elle est forcée, elle n'a pas de péché. Si elle pouvait sortir, elle pouvait faire le hijra, et elle a délaissé, enfin, elle a une part de responsabilité. Ils ont cette excuse. Maintenant, il ne peut pas faire certaines choses et il dit là, de toute façon, on n'a pas le choix, il nous interdit. Si, tu as le choix, tu as le choix de partir. Anta, si tu es capable, c'est toi le responsable. Qala, Cheikh al-Islam, rahimahullah. Qala, wa amma ha'ula, falam yukadhibuhum, bal ajabuhum bi qawlihim, qalu, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Ils ont dit, kunna mustad'afina fil ard. Ils n'ont pas dit kadabtum. Aïe, ceux qui se sont fait tuer, qui n'ont pas fait les hijras. Al-Malaika, dès qu'ils ont pris leurs âmes, ils leur ont dit Fima kuntum. Ils ont dit Kunna mustad'afina fil ard. Al-Malaika, ils n'ont pas dit non, vous mentez. Là, c'est vrai, vous étiez mustad'af fil ard, ils vous ont forcé. Lakin, Al-Malaika, ils ont répondu avec le sabab. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhadiru fiha. C'est vrai qu'ils vous ont forcé, mais la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est vaste, pourquoi vous n'avez pas fait l'hijra alors que vous pouviez la faire? Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhadiru fiha wa yazidu dhalik idahan lil'arif wal jahl allati ba'daha wa hiya qawluhu ta'ala illa almustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal buldan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Ha'ula sont excusés. Il y a une différence. Anahaula, Aslan, ils ne pouvaient pas se déplacer. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur pardonne. Un vieux, un malade, une femme, une meskina, à la personne, elle ne peut pas se déplacer. Une personne, un meskine, il est faible, il n'a pas la capacité. Allah, il lui pardonne, bi'idnillah azawud. Amma, la personne, il peut se déplacer, tout le monde lui arrive le problème, tu es responsable. Il y en a à la base, tu pouvais. C'est précis, hein. La bout de ta'amman. بإذن الله تكمبخوندغا سواضح. قال الشيخ الفوزان يعني لا يعذر إلا من ترك الهجرة عاجزا عنها. شو لا يكسكوزي يبقى. قال فإنه معذور. قال تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة للخروج ولا يهتدون سبيلا إليه. قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. قال هذا وعد من الله بالعفو عنهم. نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله سبحانه وتعالى لا يبوس باينام وتشد سا كاباسيتي أبدا. لكن بقي مسألة la capacité, c'est quoi? Had. Enfin, la personne ne doit pas jouer bihad. Chaque personne il se connaît. Tu sais un test, tu peux te déplacer ou pas, tu le sais. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam ma fi sudur, ya'lam ma fi al-qulub. Allah il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Enfin, sois sincère, sois véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala il te facilitera. C'est Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiq al-jami'. Allah subhanahu wa ta'ala il ne nous a imposé cette hijra illa li anna on peut la faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a posé ce hijra, illa c'est une rahma pour nous. قال فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد فلم يبقى شبهة لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه بل قال الله فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Celui qui est sincère, celui qui est véridique avec lui-même, il voit la différence entre les deux cas. Le premier cas, il pouvait faire, il n'a pas fait. Le deuxième cas, il voulait, il n'a pas pu. Ah ben, le premier cas, il pouvait, il n'a pas fait. Il y a une différence. Différence, une personne il veut faire une chose et il ne peut pas. Et l'autre, il peut la faire, lakin il la délaisse. Ben, il y a une différence. Lakin, comme a dit l'Islam, liman talab al-ilm. Un talab al-ilm, haqqan, wallahi tastarih ma'a. Tu parles avec lui, il fahm al-kalam. Voilà autant de divergence avec lui, si c'est des vrais tollab ilm, si c'est en divergence, tu verras, ça se règle très facilement. Ça parle ilm, il comprend. Khasatan s'il a une bonne niya. Maintenant, le but c'est qu'on veut le haq. Tu parles avec lui, tu verras, c'est très simple. Maintenant, tu diverges, il te dit pourquoi. Tu le dis al-kalam, al-sawab, la réponse juste dans ce masala, c'est kada. Il va te dire c'est quoi ton dalil? Qala Allah, qala al-rasoul. Tu parles avec quelqu'un, il n'est pas madboud bil ilm al-shar'i, il n'a pas de limite. Ça t'attarde. Wallahi, ça, c'est pour ça que les ulama, ils interdisent le niqash avec haoula. Tu ne peux pas parler avec quelqu'un du ilm qui ne comprend pas l'ilm. Tu ne peux pas parler avec quelqu'un la yafham. Tu vas lui exposer des choses qu'il ne comprend pas, ça ne sera rien. Hada, tu lui fais du'a, tu n'accouches pas avec lui. Tu lui fais da'wa. Akhi, c'est kada, kada, kada. Amma polémiquer, tu le stops. Je ne suis pas là pour polémiquer. Le haq, c'est ça. Tu veux le prendre, tu ne veux pas, qu'Allah te facilite. Soit tu as un kalam, tu as du ilm, parle. Si tu n'as pas, tais-toi. Al-jahl yu'allab. Et le jahil, il n'essaie pas de faire des niqash. Al jahil, il apprend l'ilm. C'est pour ça que tu vois, mon naqashat entre l'ulama et le talabat l'ilm, c'est pas comme mon naqashat avec le jahil. Avec le jahil, ça finit en hajj, la plupart du temps. Regarde mon naqashat ahl l'ilm, tu verras. La mon naqashat ahl l'ilm, c'est du ilm pour toi. Qala, Cheikh Al-Fawzan, qala na'am, ikhtilat al-muslimin ma'a al-kuffar. من غير عذر أمر لا يجوز بل لابد أن تتميز بلاد المسلمين عن بلاد الكفار ولا يخالط المسلم المشرك بل قال صلى الله عليه وسلم لا تتراءى نارهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام nous a informé أن نار المشرك ونار المسلم je peux pas, elles se voient pas, elles sont pas proches. النار كما تعلمون on a expliqué أن c'est pour à l'époque, pour s'éclairer, pour la cuisine et l'akhiré. Enfin, nar le muslim, elle ne peut pas avoir nar le mushrik. Ça te montre que c'est loin. Enfin, tu n'as pas le droit de vivre avec eux. Khasatan, si tu ne peux pas faire ton din, tu n'as pas le droit. C'est wajib alayk de faire l'hijra. Si tu peux faire ton din, c'est mustahab. Ça ne veut pas dire que tu ne la fais pas. Là, c'est mieux de te déplacer. Malgré que tu peux. Amma, si tu ne peux pas, là, chaque, c'est wajib alayk. Et on a déjà parlé beaucoup de fois, on n'a aucun doute, annahu, tu ne peux pas. On n'a aucun doute. Qala ay. يبعد عنه مهما أمكنه ذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقه العمل شيخ الإسلام يتمطر أن le cinquième point qu'on a vu الهجرة et le point d'avant ça te montre أن الإسلام c'est pas que comme ils disent Ba'danaz, Al-Iman c'est dans le cœur. C'est pas que ça. Al-Iman c'est dans le cœur. Laquelle ce qui prouve que ce Iman il est bon, c'est les œuvres. Fa-la-bud, Al-Muslim il a des œuvres. La-bud. Qawlun wa amalun wa a'tiqad. C'est ça l'Iman. Dans le cœur, c'est une parole et c'est des œuvres. Qala Cheikh Al-Fawzan, Fa-l-Iman huwa ma saddaqatuhu l'amal, l'a'mal, wa minha l'hijra. لأنها من الأعمال وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون إنه يكفي الإيمان بالقلب أو بالقلب واللسان قال فلا يكفي الاعتقاد والنطق بل لا بد من العمل نعم أما فقط c'est dans le cœur لا لا il y a des choses t'es obligé de faire بالعمل قال رحمه الله وذلك أن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه قال قوله إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى يصعد الكلم الطيب من الذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل وكل كلام طيب فإنه يصعد إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع كل هذا من الكلام الطيب والكلام الطيب مع الناس ومع الأقارب لا بون باغول المونت عند الله سبحانه وتعالى سان دليل أن الله سبحانه وتعالى إلى au-dessus de la makhloukat, il est au-dessus de sa créature. Ar-Rahmanu ala l'arshi stawa. Qala huna ilayhi yas'adu. Et la parole, elle monte vers lui. Ça montre qu'Allah, il est au-dessus. Qala wa qulu linnasi husna. La bonne parole, il y a la lecture du Coran, le dhikr, et l'adoration, kadalik avec les gens. Wa qulu linnasi husna. Qala wa qul lahum qawlan karima. كل هذا من الكلام الطيب يصعد إلى الله لكن لا يصعد بنفسه بل لابد من العمل قال والعمل الصالح يرفعه سندلي لتمنتخ أن الأبرسن لابد من العمل قال وفي هذا رد على المرجئة أيضا نعم المرجئة سد الضلال في الإيمان انحرفوا بهذا ونفني الموضع الخامس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك